De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Et nous nous retrouvons dans une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages, en compagnie bien sûr de Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Alors tu nous as parlé dans ta première chronique des émotions. Oui. Et on a vu qu'il y en avait plusieurs. Voilà, je vous ai parlé de leurs fonctions principales, mais là on peut un petit peu détailler les fonctions des émotions, on va dire de base, qui font l'unanimité dans la psychologie. Alors on commence par celles qui sont pas agréables. Ouais. La peur. Ouais. Alors, pourquoi j'ai peur ? Ben, alors, on a peur, en fait, pour se protéger, pour se mettre en sécurité. C'est super important de ressentir la peur. Le besoin de sécurité, c'est une sécurité qui peut être physique, mais aussi affective. Et en réalité, il n'y a que 8 à 10% de nos peurs qui sont objectives. Toutes les autres, elles sont liées à nos expériences et comment on amplifie ou pas un risque qui ne l'est pas. Voilà, c'est important d'avoir la peur, mais aussi de questionner ce qu'il y a derrière. Une autre émotion de base, ce que souvent on regrette, c'est la colère. Alors, elle n'a pas bonne presse, la colère. Ouais. Et pourtant, elle sert à poser nos limites. Elle nous parle de notre besoin de justice, de notre besoin de nous affirmer, d'être reconnus. Et donc, c'est très sain, en fait, de ressentir la colère. Il suffit juste, après, d'apprendre à ne pas se laisser trop envahir. Et si on arrive à la ressentir assez tôt, elle va nous servir à exprimer, ben non, là, il y a quelque chose qui est contre mes valeurs, qui est contre mon identité. Donc, super important de ressentir la colère. Je vais réhabiliter la colère ici. Et parfois, quand on est en colère, après, on est un peu triste de s'être mis en colère. Hein. Oui, alors, on peut culpabiliser, c'est vrai. Alors, pourquoi on est triste ? Alors, la tristesse, c'est une émotion aussi qui n'est pas toujours facile à accueillir, tellement elle est désagréable. Mais en fait, elle nous parle du rapport au deuil, du besoin d'acceptation, du besoin de lâcher prise. Et le deuil, ce n'est pas que le décès de quelqu'un, c'est la fin de quelque chose. Donc, un job, une relation amicale, plein de pensées qu'on a, des croyances, une partie de soi. Donc, c'est hyper important d'accepter le deuil et la tristesse pour ensuite pouvoir avancer et ouvrir de nouvelles portes. Alors, on a parlé de peur, on a parlé de colère, de tristesse. On peut quand même parler un peu de choses positives, la joie. Oui, la joie, bah ouais, super important de ressentir des émotions agréables parce que quand je ressens quelque chose d'agréable, j'ai envie de recommencer. J'ai vécu une bonne soirée entre amis, ça m'a détendue, j'ai ri, j'ai rempli mon besoin de partage. Et ben, je vais avoir envie de recommencer. Donc, c'est pour me faire aller de l'avant, me faire reproduire ce qui me fait du bien. Toutes ces émotions, elles font ce qu'on est, nous. Voilà, elles participent à notre équilibre, en fait. Et c'est très important de tous les mettre au même niveau. Elles sont toutes importantes, elles sont toutes dignes d'être accueillies, elles participent vraiment à notre bien-être. Donc, je vous invite à ne pas ni les refouler, ni les juger, ni les étouffer, mais juste les accueillir, les laisser vous traverser. Merci Noémie, de quoi tu vas nous parler la prochaine fois ? Alors, la prochaine fois, on reparle des émotions, parce que c'est vraiment un thème central dans le côté relationnel. Et là, je vais vous parler de 4-5 petites choses à savoir. Les petites choses à savoir sur les émotions. À très vite. Oui, à bientôt. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.